Bien-aimés, je vous dis bonjour. D'accord? Là, j'ai une petite exhortation à faire. Cette exhortation concerne les personnes qui viennent de se convertir, qui reviennent du monde. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que celui qui est encore enfant en Christ est encore charnel. C'est-à-dire, il voit les choses comme le monde. Tout dernièrement, je parlais avec un bien-aimé et le bien-aimé m'a posé la question sur le titre de général. C'est un nouveau converti, c'est quelqu'un qui vient de se convertir. Il m'a dit, frère, j'entends général bishop, général, est-ce que c'est biblique? Bien-aimé, je vais tout simplement te dire que c'est pas biblique. Je vais lire dans la Bible. Je vais lire Josué au chapitre 5, au verset 13. Parce que le frère, il se demande pourquoi général. Parce que le frère a lu, il a vu dans la Bible, il ne voit pas un ministère où il y a général. Et il m'a posé la question. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui distribue les ministères comme il le veut. Il peut dire, toi, tu es apôtre, celui-là, évangéliste, toi, docteur, prophète, pasteur. C'est le Saint-Esprit, comme il veut. Mais le frère me pose la question, cette histoire de général, bishop, général, évangéliste, ça sort d'où? Et moi, je lui ai dit, frère, je n'ai jamais vu ces trucs-là dans la Bible. Et puis, le nouveau converti m'a dit, frère, on ne sait jamais, peut-être Dieu leur a révélé qu'ils étaient des généraux de l'armée de Dieu. D'accord? Moi, je lui ai dit, bien aimé, c'est des histoires, je ne crois pas à ça. Bon, comme c'est la parole de Dieu qui est la vérité, je vais lire un passage dans Josué, au chapitre 5, Josué, chapitre 5, au verset 13. En fait, dans Josué, le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins. D'accord? Et Josué va vivre quelque chose personnellement. Donc, je vais lire Josué 5, au verset 13. La Bible dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Le peuple d'Israël est en guerre contre leurs ennemis. Et Josué voit devant lui un monsieur qui tenait une épée. Josué ne comprend rien. Josué ne sait pas d'où vient la personne. Il ne le connaît pas, mais Josué veut se rassurer. Il va vers lui et lui pose la question. Monsieur, tu es avec nous ou contre nous? D'accord? Et là, au verset 14, ce personnage qui était devant Josué répond, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Il n'a pas dit, « Je suis l'un des chefs. » Il ne dit pas, « Je suis l'un des chefs de l'armée de l'Éternel. » Il dit, « c'est moi le chef. L'Éternel a une armée et je suis le chef de cette armée. » D'accord? Je suis le chef de cette armée. J'arrive. Maintenant, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Josué a compris qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Josué craignait Dieu. Et la personne lui dit, c'est moi le chef de l'armée de l'Éternel. En quelque sorte, c'est moi le général de l'armée de l'Éternel. Je ne suis pas l'un des chefs, c'est moi le chef. D'accord? Je vais également lire dans la Bible toujours. Nous allons partir dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Dans le livre de Josué, le monsieur lui a dit, je suis le chef. Mais il n'a pas donné son nom. Mais nous avons le nom de ce chef dans Apocalypse au chapitre 12, au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Et il y eut guerre dans le ciel. La guerre est dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On nous révèle ici qu'il y a une guerre dans le ciel. Il y a eu une guerre. Michaël et ses anges. Dans Josué, il s'est présenté à Josué en disant, c'est moi le chef de l'armée de l'Éternel. Et dans Apocalypse au chapitre 12, ce chef nous donne son nom. La Bible dit, il s'appelle Michaël. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Bien-aimé, quand vous voyez général, machin, jeune, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des titres. C'est des gens eux-mêmes qui prennent des titres. C'est comme moi, je peux dire tout de suite, je suis colonel. Je peux dire tout de suite, je suis général. C'est pas dans la Bible. Aucun disciple de Jésus n'était général. Tous ces généraux-là, général tel, général évangéliste, général prophète, général, ça c'est des titres gonflants. Jésus a dit, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé, mais cherchez plutôt ce qui est humble. Mais comme ces personnes-là, dans leur orgueil, ils veulent se faire passer pour des super, super, super puissants. Super puissants. Être pasteur, ça ne suffit plus. Révérend pasteur, ça veut dire je suis au-dessus de pasteur. Être évangéliste, c'est moyen, c'est pas assez. Révérend évangéliste, archibishop, général prophète. C'est-à-dire qu'ils cherchent, ils sont attirés par ce qui est élevé. Parce qu'ils veulent des honneurs. Ils veulent se faire passer pour des super puissants, pour des grands hommes de Dieu. Parce que si tu dis que moi je suis évangéliste, c'est zéro ça. Révérend évangéliste, révérend bishop, c'est pour chercher les honneurs des gros types. Bien-aimé, donc je suis en train de dire à ce frère, qui croyait que général là, c'est Dieu qui a révélé ça. Frère, ces gros titres, général bishop, général prophète, c'est de la foutaise. C'est des généraux maniants. Je dis bien généraux maniants. Dieu ne connaît pas ça. La Bible dit que le Saint-Esprit distribue les ministères comme il le veut. À celui-là, prophète, à celui-là, évangéliste, à celui-là, docteur, à celui-là, apôtre, pasteur. Comme il le veut, c'est le Saint-Esprit qui nous fait. Le Saint-Esprit n'a jamais dit général tel, commandant tel, colonel tel. Ce sont des titres gonflants parce que ces gens sont animés de l'orgueil. Jésus a dit que ce qui est élevé ne vous attire pas, ne cherchez pas ce qui est élevé. Mais eux cherchent ce qui est élevé. Ils veulent apparaître à vos yeux comme des grands, des super puissants, des gros titres. Général, c'est pourquoi vous voyez général, général, général. Le Saint-Esprit ne connaît pas ça. Le Saint-Esprit n'a jamais dit que tu es colonel, tu es capitaine, tu es général. Le Saint-Esprit ne connaît pas ça. C'est des titres d'hommes, c'est charnel. Le chef de l'armée de l'Éternel, Josué l'a vu. Josué a vu le général de l'armée de l'Éternel. Et Josué lui demande, tu es avec nous ou contre nous? Et ce personnage lui dit, je suis le chef de l'armée d'Israël. Quand Josué a entendu ça, il s'est mis à genoux. Et dans Apocalypse, au chapitre 17, on nous parle de ce général Michaël. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Il n'y a pas d'eux. Quand ce général Quand ce chef de l'armée de l'Éternel parle à Josué, il ne dit pas à Josué, je suis l'un des chefs de l'armée de l'Éternel. Il ne dit pas, je suis l'un des chefs de l'armée de l'Éternel. Il dit, c'est moi le chef. L'Éternel a une armée, celui qui est en face de toi là, c'est le chef de cette armée. C'est le chef de cette armée. On n'est pas deux chefs. C'est moi, le chef de l'armée de l'Éternel. Et dans Apocalypse, au chapitre 12, la Bible nous dit qu'il s'appelle Michaël. La Bible dit, c'est cet ange guerrier, c'est un ange guerrier qui est le chef. Dieu l'a établi chef de son armée. Les hommes ne sont pas des généraux dans l'armée de l'Éternel, c'est des anges guerriers. C'est des anges guerriers. Ce sont ces anges-là qui ont combattu contre le diable et ses démons. Ce sont ces anges-là qui ont jeté le diable par terre et ses démons. C'est pourquoi le diable est sur terre aujourd'hui. Parce que Satan a perdu la guerre contre Michaël et ses anges. Vous comprenez? Donc quand les gens disent, général, c'est de la foutaise. C'est de l'orgueil. Hein? Il faut voir ces gens quand ils prêchent la parole, les mains dans les poches, parce qu'ils se prennent pour des grands. Ils s'habillent comme des princes. Les mains dans les poches, ils prêchent. C'est des orgueilleux. Et j'ai suivi une vidéo où l'un d'eux, pendant que les esprits se manifestaient, et il dit, alors, tu es rentré dans la vie de cet homme comment? Les mains dans les poches, un monsieur est possédé. Ok, tu fais quoi dans sa vie? Il prend un plaisir à discuter avec le démon. Tout un spectacle. Jésus a dit chasser les démons. Mais il prend 30 minutes à traiter avec un démon. Sans le chasser, hein. Juste pour faire du spectacle. Alors, tu fais quoi dans sa vie? Vous êtes au nombre de combien? Mais elle souffre. Et puis, il laisse la personne possédée. Il va vers une autre personne. Il prend tout son temps. Jésus appelle ces gens-là, les envoyés de la séduction. Parce que dans Matthieu 24, il dit, ils vont séduire les gens, ils feront des miracles. Mais pour séduire, ils ne font pas des miracles comme ça, ils les font pour séduire, pour attirer l'attention sur eux. Pour attirer l'attention sur eux, pour qu'on sache qui il est. Il fait 1000 vidéos sur YouTube. Il monte là où les gens sont possédés, là où les gens sont en train de vomir. Là où les gens sont en train de faire n'importe quoi. Il veut que les vidéos soient publiées. Général. C'est pourquoi ils font des titres de généraux. Dieu ne connaît pas ça. Le Saint-Esprit n'a jamais dit à qui que ce soit, tu es général. L'armée de l'Éternel a un seul général, Michaël. Et c'est ce général qui se présente à Josué. Il dit, je suis le chef, Josué. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il ne dit pas, je suis l'un des chefs. Il dit, je suis le chef. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Que attention, peuple de Dieu. Attention aux gros titres. Attention. Ce sont des orgueilleux. Jésus dit à ses son serviteurs, on reconnaît un vrai homme de Dieu par l'humilité. L'humilité. Un grand homme de Dieu, celui qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, il sait que sans Dieu, il n'est rien. Donc, il dépend de Dieu. Il n'est qu'instrument. Il ne cherche pas à faire le gros dos parce qu'il n'est rien. La gloire est au Saint-Esprit, pas à lui. Et celui-là ne va pas chercher des gros titres. D'accord? Parce que Jésus a dit, cherchez ce qui est bas, humble, pas ce qui est élevé. Mais eux, des gros titres là. Parce que simple pasteur, ça ne suffit pas. Général pasteur. Général évangéliste. Général prophète. Donc, ces généraux-là, Dieu ne les connaît pas. Dieu ne connaît pas ces généraux. Quand on va se retrouver au ciel, que ce soit sur terre, Jésus-Christ a dit, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dieu le Père existe. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, existe. Le Saint-Esprit existe. Ensuite, les enfants de Dieu. Dans les enfants de Dieu, il y a des hommes et des femmes nés de nouveau, sauvés par le sang de Jésus. Là-dedans, il n'y a pas de sergent, il n'y a pas de commandant, il n'y a pas de colonel, il n'y a pas de général. Il n'y a pas ça. C'est Dieu et ses enfants, point barre. Donc, méfiez-vous des gros titres d'orgueil. Les gros que les gens prennent X et Y, ils prennent des titres pour séduire. pour se faire passer pour des supérieurs, pour des grands, grands, grands hommes de Dieu. Voilà, c'est ça la vérité. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.